Chapitre 24. Rhabillée de la tête aux pieds en parfaite aviatrice, il ne fallut guère plus d'une minute à Lorraine pour sortir de la ville au guidon de sa Harley Davidson, loin des foules de la Blackmore Week. Il fallut un temps plus court encore pour que cette incroyable sensation de liberté offrît à son visage un sourire qu'elle n'y déliait que fort rarement. C'était là le sourire, euphorique, de la plus irrésistible délectation solitaire. À peine lancée sur les routes sinueuses de la campagne automnale, elle se laissa griser non seulement par le décor de l'île, aux vifs camaïeux bruns et orangés, mais par la vitesse, le bruit ensorcelant du moteur, les vibrations galvanisantes de la machine et la vive caresse du vent. L'on eût pu dire si les larmes qui coulaient sur ses joues étaient le fruit des courants d'air qui assaillaient ses yeux écarquillés ou la manifestation d'une irréfrénable allégresse. Mais lorsqu'elle plongeait son engin dans un nouveau lacet, ou qu'elle se sentait aspirée d'un coup par l'accélération soudaine qu'occasionnait une descente inattendue, ce sourire, déjà si rare, se muait en rire véritable, en acclamation de délices. « Youhou !» hurlait-elle, espiègle et radieuse, à la face des nuées qu'elle semblait embrasser. Pendant la demi-heure que dura sa course folle, Mademoiselle Chapelle éprouva une plénitude dont aucun être sur terre n'eût pu comprendre la profondeur, car à la vérité, elle n'avait plus ressenti plaisir si intense depuis de très longues années. Et alors, plus rien n'exista en son cœur blessé que le défilé des arbres, les successions de collines bienveillantes que sa chevauchée avalait l'une après l'autre, la révérence complice que lui adressaient sur son passage les phares haut perchés, les ruines lointaines et les voûtes de granit, les claquements délicieux des cylindres que les gorges de roches grises lui renvoyaient en écho comme autant d'ovations miséricordieuses. Plus rien n'exista que la terre et le ciel, et aussi longtemps que continua cet instant suspendu, ils lui appartinrent tout entier. Il était 4 heures passées quand la jeune femme, sa nouvelle casquette de pilote solidement enfoncée sur le crâne, arriva en vue de la tour du télégraphe, au sud-ouest de l'île, là où les falaises atteignaient leur point culminant. Ralentissant un peu, elle quitta la route de Westcliff et s'aventura sans vergogne dans une expédition cahoteuse au milieu des mottes de terre, filant tout droit à travers champs, debout sur les cale-pieds pour préserver son dos des violentes secousses. Arrivée enfin devant l'édifice, Lorraine, à regret, coupa le moteur de la motocyclette. Elle descendit, les yeux encore illuminés de ferveur, et la cala contre le mur. La tour de pierre circulaire, dont la fonction première avait été abandonnée, était inoccupée, bien que, assez récemment encore, elle eût servi d'abri au club de golf de Blackmore. Construite en 1811 dans le climat des guerres napoléoniennes, elle avait permis de signaler la position des navires français en communiquant par sémaphore avec l'île de Guernesey à l'aide d'un ingénieux système d'indicateurs lumineux visible à plusieurs dizaines de kilomètres et articulé sur un mât. Ce dernier, perché en haut de la tour, avait désormais disparu. Reculant de quelques pas, sous les assauts de la bise qui courait à la surface du plateau, Lorraine passa un petit moment à regarder le monument dans son ensemble, ainsi que son environnement. Le journaliste Elias Carteret avait-il disparu ici? Certes, sa consœur, feu Mademoiselle Appleton, avait expliqué qu'il devait se rendre à cet endroit précis le fameux soir du 4 août. Mais rien ne permettait encore d'affirmer qu'il s'y fût trouvé réellement et que quelque chose lui fût arrivé là. Et si oui, quoi? À première vue, il n'y avait ici aucune bizarrerie qui eût pu frapper Lorraine comme un indice évident. Une bicyclette abandonnée, des traces de pneus dans le sol, que le départ ou l'arrivée violente d'une voiture eussent laissé, un bout de veste déchiré, la porte de la tour enfoncée ou un cadavre même. « Que s'est-il passé ce soir-là, monsieur Carteret ?» murmura la jeune femme en essayant d'imaginer la scène. « Étiez-vous tout là-haut, en train d'observer le ciel, quand on vous a attaqué par surprise ?»« La vue est si dégagée alentour, comment auriez-vous pu ne pas voir arriver votre agresseur ?» Peut-être n'avez-vous point été attaqué. Peut-être êtes-vous parti de votre plein gré, comme le pense votre employeur. Mais où alors? Luttant contre le vent qui soufflait de plus en plus fort, elle revint au pied de la tour. La porte en bois, étroite et basse, était fermée seulement à l'aide d'un loquet. Lorraine se glissa à l'intérieur. Les appareils permettant jadis d'actionner le système de sémaphore avaient été enlevés depuis longtemps et les lieux étaient entièrement vides. À vrai dire, pour une tour ouverte au public, ils étaient même d'une propreté étonnante. Il n'y avait pas un seul déchet qui traînât sur le sol, aucune dégradation visible, aucune pierre éboulée trahissant un manque d'entretien. Tout était propre et net. Après avoir fait le tour de la pièce, la jeune femme monta l'escalier qui menait au premier étage où elle fit le même constat. Il n'y avait rien d'autre à voir là que les murs et le sol, lesquels étaient de la même tenue. Au deuxième étage, pareil. Du côté sud, une échelle en bois s'élevait jusqu'à une trappe dans le plafond, laquelle était fermée. Lorraine ramena sa besace et son appareil photo dans son dos, grimpa, souleva l'écoutille et se hissa sur le toit, accueilli aussitôt par une bourrasque formidable. Sur le point le plus haut de l'île, le fameux murmure des brumes devenait un hurlement. Tenant la visière de sa casquette d'une main, Mademoiselle Chapelle s'avança jusqu'au muret, au sommet de la tour du télégraphe. Hypnotisée par les rafales striduleuses qui tournoyaient avec une vigueur grandissante, elle se laissa envoûter par les splendeurs funestes de la baie, tandis que les pans de son long manteau de cuir se soulevaient derrière elle. Le ciel, encore bleu quelques instants plus tôt, commençait à noircir, comme se formaient ici et là des nuages sombres qui gonflaient à vue d'œil. La mer sembla se réveiller, se mouchetant de moutons blancs qui, en se soulevant, faisaient sur cette étendue obscure de longues crinières d'écume. Et ainsi, sous le regard hypnotisé de la jeune Française, l'île de Blackmore se laissa gagner par les prémices d'une tempête formidable. Bientôt, l'air lui-même parut se charger d'électricité. À 200 mètres de la tour à peine, là où s'arrêtait brusquement le plateau de roche sur lequel elle était érigée, on devinait le précipice et l'on entendait le son étouffé des vagues furieuses qui venaient se briser au pied de la falaise. Par moments, l'agitation de l'onde était si grande que les rochers dispersés au large des côtes disparaissaient sous les flots. Et puis, une brume distante se forma, telle une armée qui se lève au fin fond d'un champ de bataille. Dans sa danse macabre, elle effaça peu à peu la ligne qui séparait la mer et le ciel, bouleversa l'horizon. Lorraine, quoique son corps fût secoué par les assauts capricieux d'Éole, était comme pétrifiée, étourdie par la beauté du spectacle autant que par son inquiétante noirceur. C'était un tableau lugubre et magnifique. Une fresque gothique qu'un peintre céleste ne cessait de venir retoucher sous ses yeux, ajoutant à chaque nouveau battement de cils un peu plus d'obscurité, un peu plus d'épouvante. Il fallut l'illumination soudaine et aveuglante d'un premier éclair dans le lointain pour sortir la jeune femme de sa torpeur. Marchant péniblement contre le vent, le visage fouetté par le haut col de son cache-poussière, Lorraine rabaissa ses lunettes d'aviateur et retourna vers la trappe, dans laquelle elle se glissa prestement. Après avoir refermé l'écoutille, non sans difficulté, elle descendit l'escalier de la tour au pas de course. Arrivée dehors, elle s'apprêtait à enfourcher sa motocyclette, quand un détail sur le sol, à quelques mètres à peine, la coupa dans son élan. Alors qu'un roulement de tonnerre grondait au large, Mademoiselle Chapelle s'avança lentement vers l'arrière du bâtiment. Du côté opposé à la mer, elle s'agenouilla dans l'herbe en fronçant les sourcils.